10. Clark Clifford et Robert Altman ont participé aux indélicatesses de la BCCI aux États-Unis. Quelle que soit la façon dont Clifford et Altman ont pu être trompés par la BCCI, les deux hommes ont aussi participé aux tromperies effectuées par la BCCI aux États-Unis. À partir de fin 1977, Clifford et Altman ont aidé la BCCI à acheter une banque américaine, la Financial General Bank Shares, avec la participation de prête-noms. Ils étaient conscients du rôle central de la BCCI dans la direction de ce projet et le contrôle de ces transactions. Dans les années qui suivirent, ils ont pris des décisions exécutives en matière d'acquisition pour la First American, qui était en fait motivée par les intentions de la BCCI plutôt que par les besoins réels de la First American. Ils ont fait passer pour les leurs propres des décisions prises par Abedi et la BCCI et qui portaient sur des sujets fondamentaux pour la First American. Et ce, y compris dans l'achat de la National Bank of Georgia par la First American et lors de la décision prise par la First d'acquérir des succursales à New York. Clifford et Altman ont dissimulé aux yeux des autres directeurs de la First American et des régulateurs américains le fait qu'ils avaient financé certaines parts de la First American par le biais de la BCCI. Ils ont dissimulé des faits aux instances de contrôle pour essayer de garder le secret sur la possession de la First American par la BCCI. Et ils ont menti à ces mêmes instances et au Congrès au sujet de ce qu'ils savaient et de leur participation aux infractions commises par la BCCI aux États-Unis. 11. L'implication d'Abu Dhabi dans les affaires de la BCCI était en réalité bien plus considérable que ce qui a été reconnu, et se manifestait y compris par le trafic de parts de sociétés nominées et par des transactions garanties sans risque qu'Abu Dhabi tente aujourd'hui de masquer par la dissimulation de témoins et de documents des yeux des enquêteurs américains. Il semble que les membres de la famille régnante d'Abu Dhabi n'aient pas contribué pour plus de 500 000 dollars au capital de la BCCI avant le mois d'avril de 1990. Et ce, bien que la famille soit sur le papier propriétaire de près d'un quart du total des actions de la banque. Un pourcentage important, mais encore inconnu, de la totalité des parts acquises par Abu Dhabi dans la BCCI a, semble-t-il, été acquis sans risque, soit contre des taux de plus-value garantis, soit par des contrats avec rachat garanti, soit les deux à la fois. Les intérêts que possédait la famille régnante d'Abu Dhabi, de même que les intérêts des dirigeants de trois autres fiefs des Émirats arabes unis, qui possédaient des parts de la BCCI, ont matériellement permis à Abedi et à la BCCI de projeter l'illusion que la banque tenait tout son capital de la richesse d'Abu Dhabi. Il semble que les investissements dans la BCCI faits par l'Investment Authority, l'organisme d'investissement d'Abu Dhabi, étaient authentiques, bien qu'il soit possible que la BCCI les ait garantis par des contrats de rachat automatiques ou autres arrangements sans risque. Il semble que les actions de la Financial General Bank Shares, acquises par la famille royale d'Abu Dhabi fin 1977 et début 1978, étaient des parts de sociétés nominées adoptées par Abu Dhabi pour rendre service à la BCCI et à Abedi, dans le cadre d'arrangements selon lesquels Abu Dhabi ne courait aucun risque, puisque la BCCI garantissait l'achat par un engagement de rachat des actions à un prix agréé. Le représentant d'Abu Dhabi au conseil d'administration de la BCCI, Ghanim Al-Mazroui, reçut de la part de la BCCI des bénéfices financiers illégitimes sous la forme de plans d'achat d'actions sans risque, ce qui a potentiellement compromis sa capacité décisionnelle indépendante en ce qui concerne les agissements de la BCCI. Il a confirmé au moins une transaction frauduleuse dans laquelle Abu Dhabi joua un rôle. Il a participé à d'autres indélicatesses commises au voisinage de la BCCI. Aujourd'hui, il est toujours en place au sommet du comité désigné par Abu Dhabi en réaction à l'effondrement de la BCCI. Abu Dhabi a pris en détail l'étendue des fraudes commises par la BCCI en avril 1990 de la bouche des dirigeants de la banque et négligea de prévenir les auditeurs externes de la BCCI de ce qui avait été découvert ainsi. Entre avril et novembre 1990, la BCCI et Abu Dhabi ont comploté ensemble pour garder le secret à propos des véritables activités de la BCCI. D'avril 1990 jusqu'au 5 juillet 1991, Abu Dhabi tenta de sauver la BCCI au moyen d'une restructuration massive. Dans le cadre de cette restructuration, Abu Dhabi accepta de supporter les pertes de la banque. Price Waterhouse accepta de certifier les livres de compte de la banque pour une année de plus, et Abu Dhabi, Price Waterhouse, la BCCI et la Banque d'Angleterre se mirent tous d'accord pour garder le secret sur les fraudes commises par la BCCI et autres problèmes, de sorte que ni les instances de contrôle américaines, ni la justice, ni le million de déposants ne découvrent quoi que ce soit et que soit évitée une ruée sur la BCCI. Une fois la Réserve fédérale avisée par le procureur général de New York de l'existence probable d'arrangements via des parts de sociétés nominées entre la BCCI et la First American, Abu Dhabi, apparemment pour obtenir l'accord de la Réserve sur la restructuration de la BCCI, coopéra de façon limitée avec la Réserve fédérale dans son enquête, en particulier en lui donnant accès à certains documents. Cette coopération n'a pas été jusqu'à permettre un accès complet à tous les documents de la BCCI, ni jusqu'à des discussions autres que superficielles avec les membres clés de la BCCI retenus à Abu Dhabi, comme par exemple Swaleh Naqvi, l'ex-président de la BCCI. Toute coopération a cessé lors de la fermeture totale de la banque le 5 juillet 1991. Depuis novembre 1990 jusqu'à aujourd'hui, Abu Dhabi a manqué de produire les documents et les témoins que la justice, la police et le Congrès américain lui ont demandé de produire. Et ce, malgré des engagements répétés. Au contraire, Abu Dhabi a œuvré de façon active pour empêcher les enquêteurs des États-Unis de mettre la main sur des informations cruciales et nécessaires à l'enquête sur la globalité des méfaits de la BCCI. L'arrangement proposé entre Abu Dhabi et les liquidateurs de la BCCI pour régler leurs dettes respectives les uns envers les autres comprenait des provisions qui auraient pu avoir comme conséquence de permettre à Abu Dhabi de masquer ses illégalités commises en rapport avec la BCCI. Il existe des indices suggérant que le cheikh Zayed avait peut-être des visées politiques lorsqu'il accepta que des membres de la famille royale d'Abu Dhabi s'impliquent, ainsi que l'organisme officiel d'investissement, dans l'achat de parts de la Financial General Bank Shares, à l'époque des parts de la CCAH First American. Ces indices sont en partie contrebalancés par un témoignage qui affirme que les achats de parts d'Abu Dhabi dans cette banque américaine ont été faits sur la requête d'Abedi, et que pendant longtemps, il ne représentait pas un réel investissement de la part d'Abu Dhabi.